Ma beat. Et voici ma beat. Ma belle beat que tu vas te prendre. Mais tu te souviendras de rien. Parce que je t'ai drogué. Ça se vend en pharmacie. Oui, ça s'appelle le GHB. Je vais faire de toi mon esclave sexuel. Mais toi, tu vas tout oublier. Ma beat. Et voici ma beat. Sur la vie de ma mère, je vais te défoncer. Je vais tellement te faire mal, tu pourras plus marcher. Mais je ramène toujours un fauteuil roulant, parce que je suis quelqu'un de bien élevé. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de souvenirs, parce que ça va vraiment être le pied. Avec ma beat. Et voici ma beat. Des fois quand je suis seul, je parle avec elle. Mais elle me dit rien du tout, parce que c'est qu'une beat. Ma beat. Et voici ma beat.